2020 t'es pas préparé, tu t'es serein, tout est calmé. Là je suis râlé, je fais mes bails, je rentre sur le terrain pour les tacler. J'entends vrai. Et j'entends 1, 2, 3. On a la vista, habillé couleur pistache. Dans la sista, des hanches sur la piste. J'ai ma bombastique dans le club. Qui fume un putain de stick dans le club. Boy, ma bombastique dans le club. Qui fume un putain de stick dans le club. Boy, ma bombastique dans le club. Qui fume un putain de stick dans le club. Boy, bénéfice, gros c'est ça qu'on vise. J'suis dans le VIP avec 2-3 gars qui ramènent 2-3 mises. J'suis sous tease, bouteille d'Hennessy. Elle veut que j'paye l'addition. Là j'ai des envies, son dégage de ma team. Qu'est-ce tu vas faire à part jacter? J'fais mes affaires, j'suis sous Jack D. Saleté, d'hypocrite reviens pour que j'fasse la passe D. Ça, c'est pas trop dans mes plans, fils de pute, donc va te faire. 2020 t'es pas préparé, tout est serein, tout est calmé. Là j'suis râlé, j'fais mes boys et j'entre sur le terrain pour les tacler. J'entends vrai. Et j'entends 1, 2, 3. On a la vista, billet couleur pistache. On l'assista, des hanches sur la piste. J'ai ma bombastique dans le club. Qui fume un putain de stick dans le club. Boy, ma bombastique dans le club. Qui fume un putain de stick dans le club. Boy, ma bombastique dans le club. Qui fume un putain de stick dans le club. Boy, vas-y t'aspect, glisse dans les backstage. Vas-y t'aspect, change pas le move. Vas-y t'aspect, glisse dans les backstage. Vas-y t'aspect, change pas le move. Bouge tes surfées comme Lolita. J'te veux pour la nuit, pas la vida. Vas-y t'aspect, rentre dans la chop. Roule en balèze, là que j'suis fort. Nuage de fumée dans la cheetah. Ferme-la, non faut pas t'exciter. Là j'suis râlé, j'ai kill de shot. Faut du rallye, péter les scores. On a la vista, billet couleur pistache. Dans la sista, des hanches sur la piste. J'ai ma bombastique dans le club. Qui fume un putain de stick dans le club. Boy, ma bombastique dans le club.